Toujours en Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongil News, les citadins de Daejeon ont organisé le 10 août un rassemblement de mercredi pour la solution juste des problèmes d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise. En réclamant aux autorités l'abolition de l'accord et de la fondation de nature humiliante concernant le problème de l'esclavage sexuel, les orateurs ont déclaré lutter pour défendre la statue de la fillette jusqu'à la présentation de la reconnaissance officielle et des excuses du Japon pour ses crimes d'esclavage sexuel. D'autre part, Lyonam News a dévoilé le 1er août que le pouvoir bakouné qui a instauré, malgré la protestation du peuple, la soi-disant fondation pour la réconciliation et le rétablissement sous prétexte des aides aux victimes de l'esclavage sexuel avec quelques sommes d'argent jetées par le Japon, a décidé de se charger même des frais de gestion de cette fondation.